Alors, donc le contexte, on est le 15 août 1973, je parle sous contrôle, c'est le lendemain de l'évacuation de l'usine par les, pour être précise, les gardes mobiles, en fait, c'est pas les CRS, c'est ça. Oui, ça ressemble à des gardes mobiles. C'est non, c'est gardes mobiles. C'est les gardes mobiles, à ma connaissance, hein, c'est ça. Non, ils disent tout le temps CRS, mais en fait, c'était les gardes mobiles. Est-ce que ça rime pas avec SS? Ils ont des fusils, les gendarmes. Voilà, ça dépend. Puis gardes mobiles, ça rime pas avec SS, alors c'est moins facile. On y va? Il y a le discours de Piaget après. Hein. Non, continue. Hein. Il y a une opposition au contraire entre les deux discours, Vito et Piaget. Continue. Ouais. La chose et en me demandant ce que j'en pensais, vous pensez bien que j'étais le premier surpris. Giraud, c'est